Les hauts murs. À Bruxelles, les enfants sont d'abord inscrits dans une toute petite école de quartier. Une grosse bâtisse carrée avec une cour intérieure ombragée par quatre marronniers. Ça change agréablement des platanes qu'on trouve en Suisse, d'autant que les marrons sont mûrs. Faustine récolte avec une avidité de collectionneuse les fruits tellement doux sous la main une fois défaits de leur bogue. Elle aime jouer dans le préau à l'abri des intempéries et ne manque jamais la distribution de lait à 4 heures. En 1966, en effet, beaucoup d'enfants souffrent encore d'anémie, voire de malnutrition en Belgique. Faustine ne sait pas ce que c'est, elle qui a été si protégée et épargnée dans son pays, mais elle boit son verre comme les autres. La petite école est sympa et plaît bien à la fillette. Hélas, à l'automne, les parents qui ont enfin trouvé la maison de leur rêve dans la campagne bruxelloise, à Ohain, aujourd'hui appelée Lanne, très exactement, transfèrent leur môme dans un autre établissement. Un pensionnat rue américaine où ils sont admis comme demi-pensionnaires le temps du déménagement. Après quoi, Stéphane suivra les parents dans une école maternelle tout près de la maison, tandis que Faustine restera en pension chez les sœurs jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle rentrera de chez elle dans la jolie petite maison d'Ohain tous les week-ends et pendant les vacances. Avant d'installer la famille à la campagne, papa a acheté une Peugeot 404. Il est très content parce que le permis de conduire n'est pas encore obligatoire en Belgique. Il ne devra donc pas le repasser. Ainsi, Faustine se trouve enfermée du jour au lendemain, dans cette espèce de prison tenue par des religieuses. Les hauts murs enlèvent tout espoir d'évasion, ne laissant entrevoir que des nuages qui passent à toute vitesse. Pas un arbre à l'horizon, pas une montagne et encore moins de lac. La Belgique est un pays plat. L'avantage, le temps varie sans cesse puisque les nuages chassés par le vent ne sont pas bloqués par des montagnes. L'inconvénient, on ne peut pas compter sur le soleil une journée durant. Il pleut souvent. Faustine n'oubliera jamais le premier soir de sa vie d'interne. Munie de sa boîte de friandises, censée remplacer l'affection des siens, elle a suivi une religieuse jusqu'au réfectoire. Debout au milieu de la pièce, une grande sauterelle lisait des passages de la Bible. On a fait asseoir la nouvelle devant un bol de soupe presque chaude. Il y a un truc gélatineux dans cette soupe. Sa voisine de droite, une jeune Congolaise très typée, lui explique le plus sérieusement du monde qu'il s'agit de tapioca. En vrai, des yeux de poisson mort. Faustine gémit, écœurée, et repousse son bol aussitôt récupéré par sa voisine de gauche, une grosse fille pataude nettement moins naïve. Heureusement, après la soupe, on apporte de grands plats de tartines beurrées. C'est le moment de plonger dans les réserves si on veut agrémenter son pain avec du sénévis, du poiret, des vermicelles de chocolat ou encore de la pâte à tartiner. Dans certaines cantines, il y a des bonbons et des biscuits. Mais ceux-là, les fillettes sont chaudement encouragées à les partager avec leurs camarades moins chanceuses. Quelques pensionnaires congolaises, se prétendant filles de chef, sinon de roi, se comportent avec arrogance. De leurs vacances, elles rapportent d'énormes morceaux de canne à sucre. Faustine en bave d'envie, mais tout un semestre d'âpres négociations sera nécessaire avant qu'elle ait accès au cénacle et obtienne l'insigne honneur d'en goûter un tout petit morceau. Quelle déception que ces fibres qui écorchent la langue et qu'il faut mâcher pendant une éternité si on veut en tirer un maigre filet de sucre. Ah là là, tout se mérite, ma bonne dame. Après le souper, les fillettes montent dans les dortoirs. À quelques exceptions près, chacune se voit attribuer sa propre chambre. Quatre murs qui ne rejoignent pas le plafond, mais sont fermés par une vraie porte, sans clé, évidemment. Faustine, qui a toujours dormi dans la même chambre que son frère, apprécie ce luxe, rien à voir avec les dortoirs sinistres de 40 lits dont on parle dans les livres qu'elle affectionne. Elle dispose d'une armoire, d'une commode, d'un lit bien sûr, mais aussi d'un broc avec sa cuvette. Les douches, on en prend 2 par semaine, WC et lavabo sont à l'extérieur du dortoir. Seuls les pensionnaires de dernière année ont accès aux chambres munies de fenêtres. Les cours ne sont dispensés que par les religieuses. Faustine s'adapte vite, hormis en ce qui concerne la grammaire, car en Belgique le programme a 2 ans d'avance sur la Suisse. Elle peine à lire au tableau. Alors elle se place au premier rang à côté d'une élève qui veut bien la laisser copier sur son cahier. Parallèlement, elle entraîne sa mémoire. Elle apprécie les grandes classes de 40 élèves, leur anonymat rassurant. Ici, pas besoin de contrôler tout ce qu'elle dit. Séparée de ses parents, Faustine peut se détendre, même si « Baissez les yeux, mademoiselle !» revient comme un leitmotiv chez tous les adultes, tant certains de ses regards sont pour eux insupportables d'insolence. À l'institut, le service, la vaisselle, la plonge et le ménage sont assurés par de gentilles filles au pair, majoritairement importées de Suisse. Elles se prennent vite d'affection pour Faustine, qui s'est empressée d'exploiter leur origine commune, l'invitant à l'occasion dans leur tanière pour y partager un petit chocolat. Dans sa chambre, quand elle s'ennuie, Faustine réalise des expériences. Profitant du favoritisme éhonté pratiqué par ses compatriotes, elle accumule oranges et morceaux de sucre. Dans le broc destiné à sa toilette, elle fabrique des jus de fruits artisanaux. Comme la mixture macère plusieurs jours, elle fermente et empeste le dortoir. Les sœurs mettront du temps à détecter la source de cette puanteur. Une autre fois, Faustine décide de teindre sa poupée, blonde, afin qu'elle lui ressemble plus. Pour ce faire, la fillette utilise du cirage brun. Le résultat est moyen. Probable que la lingère n'ait pas apprécié la nouvelle couleur des draps. Une fois par mois, les fillettes, toujours en rang par deux, se rendent à la piscine. C'est une sortie qui n'est pas à négliger. Faustine adore l'ambiance intime, l'eau chaude et la possibilité de se défouler. Enfin ! L'autre type de sortie est beaucoup moins marrant. Les fillettes sont invitées ponctuellement à agiter des petits drapeaux, belges ou étrangers, devant des ambassades d'où sortent, dans d'imposantes limousines, de gros et gras fonctionnaires. Jamais aucun d'eux n'atteignait leur accorder un regard, encore moins un sourire. On se demande bien à quoi ça sert, fulmine la gamine, frigorifiée ou en âge selon la saison. Depuis que Stéphane a changé d'école, sa grande sœur n'a plus besoin de défendre le petit garçon vulnérable contre les attaques de ses camarades. En parlant de défense, justement. Pendant une récréation, Faustine a vécu une drôle d'expérience. Rendue folle de rage par une élève qui l'asticotait depuis 1 heure, elle l'a soulevée d'une main horizontalement à 1 mètre du sol. Là, réalisant ce qu'elle faisait, elle l'a tout bonnement lâchée. Boum ! L'autre a hurlé, rameutant toute la cour de récré. Dieu merci, la sœur Tourière, témoin de la scène, a pris la défense de Faustine. Cette dernière sait désormais qu'elle a beaucoup de force. C'est à la fois rassurant et dangereux. Si elle n'est pas employée à bon escient, cette force en toute dernière extrémité est seulement pour se défendre. Autre conséquence désormais, chaque fois qu'elle s'ennuie dans la cour, elle rend visite à sa nouvelle amie, la sœur Tourière, elle lui réclame des histoires religieuses. Malgré tout cela, la fillette est d'une grande naïveté. Alors qu'elle avait apporté au pensionnat la poupée Barbie tant convoitée qu'elle venait tout juste de recevoir, ne voilà-t-il pas qu'une petite futée d'externe vient la courtiser, lui promettant monts et merveilles si Faustine la lui prête 1 semaine. Elle recevra carrément 50 francs en bonbons et sa poupée sera de retour avant qu'elle ait remarqué son absence. Tu parles, elle ne l'a plus jamais revue. Oui, et encore moins les bonbons promis. En période de l'Avent, Faustine est encouragée à participer aux cérémonies religieuses. Il y a une chapelle spacieuse dans l'enceinte du pensionnat, remplie de statues, de tableaux débordants de dorures et un chemin de croix magnifique. À Noël, les sœurs installent une crèche. C'est là que Faustine vivra sa toute première grande messe catholique. Elle est impressionnée par le décorum, les odeurs d'encens, les chants et cette musique d'église qu'elle ne connaissait absolument pas, mais qui l'exalte. Tout au fond d'elle croît une certitude. Elle est aimée et protégée. Elle ne sait pas par qui ni par quoi, mais c'est ainsi, et beaucoup plus fort que tout ce qu'elle a jamais éprouvé. Ce sentiment, qu'elle gardera enfoui de crainte qu'on le lui salisse, ne la quittera plus jamais, quelles que soient les circonstances de sa vie. Le 23 décembre, papa vient chercher Faustine au pensionnat, la ramène à Ouen. Cette année, à côté du joli sapin décoré dans le salon, trône une télévision. Quand les enfants ont bien joué aux batailles de boules de neige, à la construction d'igloos ou à la luge, ils sont autorisés à regarder les Shadocks, le manège enchanté et Bonne nuit les petits. Zébulon, Nicolas et Pimprenel deviennent leurs grands copains. Comble de bonheur, le samedi après-midi, quand il fait mauvais, ils ont accès pendant 2 heures à des feuilletons passionnants, comme Thierry la Fronde, Saturnin et Zorro. L'école a repris jusqu'aux vacances suivantes. À Pâques, grand-papa de Bâle est venu en visite. On l'a baladé dans le pays et jusqu'en Hollande. Ils ont mangé des moules et des frites à Ostende et des gaufres à Knok Heist. Ce qui est épatant dans le plat pays, dit papa, c'est que par l'autoroute, en moins de 2 heures, on rejoint le bord de mer. De retour au pensionnat, c'est la dernière ligne droite. Il faut préparer les examens, la fête de fin d'année, les premières communions. Toute l'institution est en effervescence. Faustine ne participera pas à la pièce de théâtre, elle est beaucoup trop jeune. Sa présence n'est pas désirée. Dans un autre domaine, intriguée par l'Eucharistie, elle aimerait bien y accéder. Pendant une messe, elle s'immisce dans la file qui passe devant monsieur le curé dans l'espoir de goûter une hostie. Et hélas, une sœur rattrape la protestante in extremis par le col de sa chemise. Raté. Fin mai 1967, il y a du grabuge dans les dortoirs. Une petite foule s'est agglutinée devant la porte d'une interne qui dispose d'une fenêtre. Faustine perçoit au loin une grande colonne de fumée noire. Très vite, le bruit court d'une catastrophe en ville. Le lendemain, on apprend qu'un violent incendie a dévasté l'Innovation, le plus grand magasin de Bruxelles, provoquant 353 morts et 150 blessés, principalement des femmes. Les fillettes, sous le choc, se repaissent pendant des jours et des jours de tous les potins qu'elles peuvent glaner. Faustine se demande si ses parents y étaient. Elle réalise que les siens pourraient très bien disparaître tout à coup sans qu'elle n'en soit jamais avertie. En juin, les fillettes s'ennuient en classe. Les enseignantes, monopolisées par les examens des grandes, placent les petites sous la vigilance de quelques sœurs suppléantes qui se contentent de les surveiller passivement. Alors Faustine se met à écrire des histoires qu'elle fait lire à ses camarades. Des romans historiques ou romantiques de quelques pages, des intrigues policières qui rencontrent un franc succès avant que d'autres élèves copient son idée. La qualité d'écriture de l'écrivain en herbe étant loin d'être parfaite, elle se retrouve très vite supplantée et au chômage. Les dernières semaines, Faustine cumule les bêtises. Elle ne se tient plus. Peut-être craint-elle que ses parents l'oublient. En tout cas, il lui manque, c'est certain. Un jour, la mère supérieure est tellement excédée par une dernière grosse bourde qu'elle l'enferme dans son bureau. Elle y laisse toute une journée, oubliant de venir la chercher à midi. La gamine, affamée, se venge en échangeant et mélangeant très proprement et professionnellement tous les documents d'une bonne cinquantaine de classeurs. En 8 heures, on peut en causer des dégâts. Quand sa maman viendra la chercher aux grandes vacances, elle s'entendra demander « S'il vous plaît, soyez gentil, ne nous la confiez pas l'année prochaine. »